on va te manger. Ta faim, ta soif, demande à ta mère. On quitte et puis t'as oublié les promesses du maire. Bouga, baracone et on bute au cimetière. On déterre les dossiers, notre matière première. Chacun apporte sa petite vérité et tout le monde s'en branle de la véracité. À la télé, le profane a éjecté le savant. Leur science se profile dans leurs histoires salaces. Indécents sont ces salauds, leur dessin érodé. Le dessin sous le sapin, je veux leur tête le 25 de décembre. Et la fougue du politicien à la palette plus riche qu'un mécanicien. Blague à part, où sont les régimes spéciaux sur un quai de gare ou à la place Beauvau? Nos aînés ont lutté pour des acquis sociaux. Notre lignage en rap n'est pas le marquis de Bozo. Musique engagée aux antipodes de leur démagon. Et derrière l'antipop, tout ça, ça fut des nécros. Tu cathodique où le badaud s'enflamme. Le penseur s'incline et le mal s'installe. Leur vie s'affine et le public acclame lorsqu'ils donnent à bouffer pendant les réclames. Congédie le fond, réveille le peintre. C'est la fleur au fusil, j'ai mis mon casque à pointe. Où est l'ennemi à qui je dois mettre une danse? Je suis perdu, prête-moi ta voix et ta décence. Je te promets pas le grand soir, juste la toile et ses fonds. Tu pèses sur la pince, au coup de feu il fait la course. Y'a à boire et à manger, y'a à boire et à manger, on va te manger. La décroissance ciné, le canard enchaîné. Quelques hebdomadaires pour livres de chevet. Je les consulte sur les chiottes, histoire de les compresser. Papier de gaucher depuis toujours décomplexé. Non mais qu'est-ce que j'en ai à foutre franchement. Vas-y passe-moi la télécommande. Que je mène ma guerre dans mes retranchements. Sur le canapé à ces saloperies d'Afghans. Il pleure d'un œil pour un soldat mort. Et cligne de l'autre en direction de Yankli. Il porte le deuil, le violon et ses accords. Son forfaitaire est rarement fortuit. Y'a à boire et à manger dans cette chaîne de vie. Les choses que t'as faites, la manière dont tu le dis. Des gens qui luttent chaque jour ou qui se noient dans l'oubli. Alors je garde en tête que rien n'est jamais acquis. Tout ce que j'ai à faire, c'est boire et manger. Les laisser penser à ma place sans les déranger. Dans leur page de presse ou devant ma petite télé. Le dimanche à la messe ou le 14 juillet. La cisaille officie par le néant. Le flux continue, la tronche un trou béant. Contusion et confidence en perfusion. Condition de connivence à profusion. Je te promets pas le grand soir, juste la toile et ses fonds. Tu pèses sur la pince, au coup de feu il fait la course. Y'a à boire et à manger, y'a à boire et à manger, on va te manger. Ils réfléchissent pour nous, putain c'est formidable. Y'a plus qu'à trouver comment financer le câble. Alors que finissent. Ils sont vraiment trop aimables. En deux mois tout est parti et ça rit moi à table. Des fois, tu te souviens même plus de ce que tu regardais avant la page de pub. De toute façon tant pis, la télé n'est qu'un film de cul. L'image est racoleuse, n'est qu'une fille de pute. Refaire le monde avec une poire à lavement. Accompagne le tout avec un discours avenant. Polissé avec des rejets d'Odyssée. Retouché comme un soviet qui saute du cliché. Parlons détox, mais sans histoire de fesses. La justice tient la barre, c'est une grosse dégueulasse. L'accident de travail, c'est là que le bas blesse. Obscur terrain vague où t'abandonnes ta carcasse. J'entends plus très bien les propos et les faits qu'ils veulent m'exposer aux infos de TF1. On me raconte tout et rien et ça va, ça vient. Prêt à tout tolérer, j'ai l'esprit tout terrain. Plus c'est gros, plus ça passe en clair. Comme une paire de godasses vendues vachement cher. De sa classe, le prolo se surpasse. Pour dénigrer ses pères, j'avoue ses pères me dépassent. Je te promets pas le grand soir, juste la toile et ses fonds. Tu pèses sur la pince, au coup de feu il fait la course. Y'a à boire et à manger, y'a à boire et à manger, on va te manger.